l'égalité sociale au centre du changement de société, on aurait pu dire même plutôt au cœur du changement de société, tant il est vrai que finalement le mouvement socialiste en général a oublié ce qui faisait sens souvent dans la lutte politique de la classe salariée pour une autre société, une société où les moyens de production seraient socialisés, une société sans classe et sans État. Alors, le grand patronat, la grande bourgeoisie, elle-même serait souvent en difficulté si on lui demandait de justifier les fortunes hein, des milliardaires, de ceux qui constituent l'oligarchie dans le pays ou l'oligarchie mondiale. Je vous invite à regarder les classements Forbes. Hein, à chaque fois qu'il y a un classement des grandes fortunes, allez acheter le magazine. Étudiez un petit peu les noms qui se cachent derrière les sociétés anonymes, des personnes, des familles, des lignées de milliardaires dont la fortune s'accroît et continue à s'accroître comme jamais. Hein, donc, quand, selon le dernier classement Forbes, entre 96 et 2006, on voit que les grandes, comment dire, les fortunes des les plus grandes fortunes, hein, les fortunes des 12 là, des 12 premières fortunes ont été multipliées par 8 en 20 ans. Donc, alors que les en bas de la société, eh bien c'est la galère et même on continue à s'appauvrir. Alors oui, le patronat lui-même aurait bien du mal à justifier l'explosion hein, du patrimoine des grandes fortunes et ses universitaires et ses propagandistes et ses politiciens qui n'ont à la bouche que le mérite, le travail, les valeurs de réussite individuelle. Effectivement, si on regarde les plus grandes fortunes du pays, eh bien, ces fortunes, eh bien, elles sont ce patrimoine le plus souvent est acquis par héritage. Et là, on peut difficilement justifier, légitimer hein, ces grandes fortunes-là. Donc, au cœur de la pensée socialiste, la collectivisation des moyens de production et d'échange, l'abolition de la propriété privée des moyens de production et d'échange, justement parce qu'en fait, elles permettent aux inégalités sociales de se reproduire, aux rapports de classe de se reproduire d'une génération à l'autre. Et il est évident que pour casser ce processus, eh bien, il s'agit de retirer hein, la propriété, les titres de propriété aux particuliers pour assurer une société débarrassée des rapports d'exploitation. En tout cas, c'est ce qui apparemment semble la mesure de la première mesure d'urgence. Pendant longtemps, les organisations ouvrières, socialistes, communistes, ont revendiqué, par exemple, l'abolition du droit d'héritage. Alors, on nous répète que, en fait, l'enrichissement des uns, finalement, profite à tous les autres. Hein, c'est la théorie du ruissellement. Finalement, en fait, cette théorie, elle est bien mise à mal par la réalité, puisque, en fait, si les riches s'enrichissent, si les grandes fortunes voient leur patrimoine s'accroître comme jamais, eh bien, les plus pauvres, eux, s'appauvrissent. Et depuis 2008, ils s'appauvrissent non plus seulement en valeur relative, mais en valeur absolue. Les rapports interdéciles hein, ont tendance à s'accroître. Hein, donc les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres ont tendance à s'accroître à nouveau hein, depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est la tendance, c'est de revenir à des inégalités qui étaient celles d'avant-guerre. Et en fait, après-guerre, on a eu des inégalités qui se sont estompées, c'est en vertu de la guerre elle-même qui a coûté aux classes les plus riches. Et puis en vertu de la lutte des classes, hein, qui a permis de contraindre le patronat et de d'alléger quelque part l'exploitation capitaliste. Alors dans le mouvement socialiste. Les inégalités de fortune qui sont liées à l'appropriation privée des moyens de production et d'échange, c'est un petit peu un leitmotiv, hein, c'est-à-dire que ce qui domine la pensée socialiste, c'est qu'effectivement, en socialisant les moyens de production et d'échange, de facto, on en finira avec les inégalités sociales, on en finira avec les rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. Alors c'est une idée qu'on peut retrouver notamment parmi les socialistes scientifiques, hein, les Karl Marx, les Friedrich Engels et ceux qui sont inscrits dans une certaine orthodoxie matérialiste qui cherchait à rompre avec une conception idéaliste du socialisme. Moraliste du socialisme, voire chrétienne. Hein, le mouvement socialiste en France avait été pendant longtemps et jusque très tard très influencé par le christianisme. Notamment Proudhon, par exemple, hein, il y a beaucoup de ses textes qui partent, hein, d'une critique de l'Ancien Testament ou des Évangiles en s'en inspirant pour appuyer, hein, ces propositions. On peut se référer aussi à Pierre Leroux, hein, auteur de l'égalité, qui c'est Pierre Leroux, c'est un des derniers utopistes français, voilà, qui appuyait la sa conception socialiste des Évangiles notamment. Bon, donc dans le socialisme scientifique, dans le socialisme de lutte des classes, il y a une volonté, hein, à fin 19e siècle, de rompre avec cette pensée idéaliste, en disant voilà, le socialisme, il s'inscrit dans une dynamique sociale qui est liée au développement des forces productives, à la nécessité de développer les forces productives et qui est dynamique, qui nécessite un bouleversement dans les rapports de production et dans les rapports de propriété. Le socialisme, c'est pas simplement un principe d'égalité vulgaire, dirait-on. Friedrich Engels emploie le terme c'est Marx qui emploie le terme dans la critique du programme de Gotha. Le socialisme, il s'inscrit dans une nécessité historique pour développer les forces productives, et c'est le développement des forces productives qui va rendre possible enfin le socialisme. Depuis qu'il y a des rapports d'exploitation de l'homme par l'homme, on retrouve une aspiration à l'égalité sociale et à retrouver une communauté fraternelle entre les hommes. C'est seulement avec le développement du capitalisme que cet idéal, quelque part, est rendu possible. C'est la productivité du travail, c'est la croissance de la productivité du travail qui permet de sortir d'une société de pénurie où l'homme est un loup pour l'homme et finalement où, avec la meilleure volonté du monde, les inégalités sont jusque dans une certaine mesure nécessaires au progrès social. Donc, dans la pensée socialiste scientifique, il y a une volonté de rupture, donc avec cette idée égalitaire. Le problème, c'est que au siècle dernier, aussi bien les tendances réformistes de la social-démocratie que les mouvements communistes staliniens et plus encore et pire. y compris les oppositions de gauche au mouvement stalinien, finalement ont comment dire, on laissait de côté complètement, ou on abandonnait un petit peu la lutte pour l'égalité sociale comme comme nécessité politique, comme élément moteur de la lutte des classes et de la construction d'une société socialiste. Pour Karl Kautsky, par exemple, qui a été quand même un des introducteurs du marxisme, un des vulgarisateurs du marxisme, qui a été un maître pour toute la social-démocratie du début du siècle dernier, les inégalités de revenus, finalement, devraient s'estomper naturellement après la révolution, après qu'aient été collectivisés les moyens de production et d'échange. Plus tard, avec les régimes staliniens, on fait dire à Marx ce qu'il n'a jamais dit, c'est-à-dire que le socialisme, première étape de transition vers le communisme, peut se définir comme, selon la formule, à chacun selon travail, à chacun selon son travail, et que comme il y a des travails simples et des travails complexes, alors ceux qui font du travail complexe ont tous les droits d'être rémunérés 10 ou beaucoup 100 fois plus que celui qui fournit un travail simple, l'ouvrier, le kolkhozien et autres. Ce qui est plus dramatique encore, c'est que dans les mouvements qui sont opposés au stalinisme, et notamment, je pense, au mouvement trotskiste, la question de l'égalité sociale a été complètement mise de côté dans leur programme. Il faut attendre ces 10 dernières années pour que, à nouveau, soit reposée dans le mouvement, dans certaines organisations issues du trotskisme, la question de la réduction des écarts de revenus. Je pense au NPA, qui suit la politique du Front de Gauche, en revendiquant la réduction des écarts de revenus de 1 à 20. En dehors de l'organisation Combat, dont je suis membre, depuis une dizaine d'années revendique et essaie de populariser le mot d'ordre de réduction des écarts de revenus de 1 à 4, il n'y a aucune organisation trotskiste à ma connaissance ou de l'extrême gauche qui a cherché à populariser l'idée de l'égalité sociale en pratique, et d'en faire des mots d'ordre pratiques, des revendications pratiques, des mots d'ordre d'action qu'on peut poser dans les mouvements de lutte, dans les grèves, dans les entreprises, etc., dans le mouvement syndical. Je serais malhonnête si je ne citais pas le PSU, le Parti Socialiste Unifié de Michel Rocard, qui à l'époque, dans son programme, défendait une réduction des écarts de 1 à 5. Si on reprend les programmes des différentes organisations trotskistes, je ne parle même pas des programmes du Parti communiste, la question est complètement escamotée. Dans le programme de transition, de même. S'il y a une critique des privilèges de la bureaucratie en Union soviétique, la question de l'égalité sociale, la réduction des écarts de revenus ou de l'égalité des salaires, qui était défendue par Castoriadis, n'était pas du tout mis en avant. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, puisque Marx, s'il faisait une distinction claire entre première phase du communisme et deuxième phase du communisme, socialisme, communisme. Communisme, qu'on peut résumer par la formule du à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, et le socialisme par le à chacun selon son travail, ou à chacun selon ses œuvres. Il dit tout de même il dit tout de même que, comment dire, enfin, il part du principe que on doit être payé selon son travail, mais qu'une heure de travail égale à une autre heure de travail. Hein, il fait absolument pas la distinction entre, comment dire, une distinction qualitative entre une heure et une heure de travail. Hein, donc Marx, il dit, voilà, plus on travaille, plus on gagnera. Mais une heure égale une heure. Bon, ce qui va être remis en cause par Jules Guesde, qui est l'introducteur du marxisme en France, et qui lui se positionne pour l'égalité des salaires, pour l'égalité de rémunération, en disant que par contre, qu'on peut considérer que s'il y a égalité de rémunération, il n'y a pas forcément un temps de travail similaire pour tous les travailleurs, pour toutes les branches. Considérant que, en fait, c'est la différence qu'on va pour rendre attractif des secteurs d'activité difficiles, au lieu de jouer sur la rémunération, il faut jouer sur le temps de travail. Hein, ça permet de ne pas remettre en cause l'égalité des rémunérations, tout en solutionnant un problème qui peut se poser aujourd'hui, entre des métiers difficiles et des métiers qui le sont moins, et qui donc aujourd'hui justifient des salaires différents. Bon. En tout cas, donc voilà, donc je parle de Karl Marx qui ne sait pas qui ne considérait pas qu'il fallait des rémunérations différenciées selon la qualification ou selon la qualité du travail. J'ai parlé de Jules Guesde qui défend une politique très égalitariste et une égalité de rémunération. Je pourrais parler aussi d'un certain nombre d'auteurs anarchistes comme Kropotkin, qui considère qu'à partir du moment où on apporte sa contribution à la production sociale, la société doit une rémunération, peu importe la qualité du travail, peu importe même le temps de travail. Ce qui est assez troublant, c'est que pendant un siècle, les grandes tendances du mouvement ouvrier ont mis complètement de côté la question de l'égalité sociale ou de l'égalité des rémunérations. Alors soit parce que c'est des tendances qui représentaient un socialisme bourgeois, la social-démocratie, représentant finalement les intérêts d'une bourgeoisie d'État, autant que finalement les partis communistes qui étaient des instruments diplomatiques pour une bureaucratie soviétique, une bourgeoisie d'État, puisque finalement, si on parle de privilèges bureaucratiques, c'est bien peu, quand on connaît un petit peu les écarts de revenus absolument astronomiques dans la société soviétique. Trotsky a écrit un petit peu, il y a quelques passages dans la Révolution trahie de Trotsky où il est question des inégalités, où il est question des inégalités de revenus en Union soviétique avec des éléments statistiques, mais toute évidence, Léon Trotsky avait peu d'éléments statistiques à sa disposition. Par contre, Tony Cliff, dans Le capitalisme d'État en Union soviétique, lui, il fournit des statistiques qui sont tirées de la presse soviétique elle-même, et donc là, on voit, on apprend que finalement, il y a des écarts de 1 à 100, 1 à 1000, au sein de la société soviétique, entre l'ouvrier, le kolkhozien et puis le membre du Conseil suprême, entre le soldat de l'armée rouge et le colonel ou le général. On apprend que Staline verse des primes qui représentent 200 fois le salaire annuel de l'ouvrier à ses plus fidèles collaborateurs. Enfin bref, il y a des inégalités absolument, absolument, absolument énormes. Et d'ailleurs, on se pose la question, est-ce que finalement les organisations trotskistes qui était une opposition de gauche au stalinisme, mais une opposition qui considérait encore que l'État ouvrier soviétique devait être défendu face à l'impérialisme. Est-ce que finalement il n'y a pas un lien entre comment dire le fait qu'elle pose pas la question de la lutte contre les inégalités sociales en pratique dans la société capitaliste et le fait que finalement elle cherchait à donner comment dire un gage bon au régime soviétique du fait que il ait collectivisé les moyens de production et d'échange. Et là et c'est là aussi donc on en vient à une question qui est importante pour nous si on veut définir ce que peut être le projet socialiste et ce qui est le cœur de ce qui anime notre combat dans la lutte contre le capitalisme, c'est qu'on peut pas dissocier hein, la question de la collectivisation des moyens de production et d'échange ou la socialisation des moyens de production et d'échange avec une société d'égalité sociale, avec une société qui met fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, les moyens de production, la propriété privée sur les moyens de production et d'échange, on l'a vu, elle donne la possibilité d'accumuler des fortunes absolument astronomiques. Hein, notre oligarchie milliardaire, elle ne vit pas de son travail, bien sûr. Hein, elle vit de ses rentes, elle vit de dividendes, bref. Mais comment dire, voilà, on n'a pas épuisé le sujet hein, quand on a défendu la socialisation des moyens de production et d'échange. Il y a des écarts revenus énormes entre travailleurs entre guillemets. On a dans le cadre de Plateforme 2016, on a animé une formation sur la question des classes et de la propriété collective et individuelle. Il y a un camarade qui nous demandait, mais voilà, le joueur de foot, est-ce que il ne vit pas de son travail, hein, de son jeu, bon, ou le classer, bon. C'est une question effectivement qui est intéressante. Où est-ce qu'on le range? Est-ce que quelque part il vend pas lui aussi sa force de travail, hein, autant que le prolétaire? Bon, sauf que la moyenne annuelle des salaires de nos joueurs de foot pour la saison 2015-2016, là, c'est à peu près un peu plus de 4 millions d'euros par an. Non, ce n'est pas des prolétaires. Hein, c'est-à-dire que la bourgeoisie, elle privilégie hein, des éléments hein, issus du prolétariat pour en faire des alliés. Elle le fait des joueurs de foot, elle le fait de même avec un certain nombre d'artistes, d'artisans, et de même en Union soviétique, la bureaucratie elle-même le faisait des stakhanovistes par exemple. Hein, dans la révolution trahie de Trotsky, il est question des mille, hein, mille stakhanovistes qui gagnaient 100 fois le revenu annuel d'un ouvrier ordinaire. Hein. De tout temps, la classe dominante a cherché à récupérer des éléments hein, dans le peuple et les a hissés à son niveau, pratiquement. Bon. De toute manière, ces revenus, hein, certains diront que en fait c'est pas un problème. Et là aussi, il faut revenir à un préjugé marxiste qu'il s'agit de combattre. L'idée, c'est que finalement, tout l'intérêt de la transformation socialiste de la société ne serait pas dans une redistribution des richesses existantes, mais dans une réorganisation de la production qui permettrait le développement des forces productives, qui permettrait de développer la productivité du travail pour enrichir l'ensemble. Bon, alors c'est évidemment vrai. Évidemment que en socialisant les moyens de production d'échange, en substituant à des rapports de concurrence, des rapports de coopération entre unités économiques et d'entraide, on pourrait faire des grands bonds en avant. Hein, on pourrait améliorer la productivité, améliorer la production, satisfaire l'ensemble des besoins nécessaires et même futiles hein, qui seront déterminés par la population elle-même. Cela va de soi. Mais il faut pas sous-estimer le coût des inégalités sociales d'un de point de vue strictement économique. Si évidemment il s'agissait simplement de redistribuer les fortunes des 10 premiers ou 100 premiers milliardaires en France, eh bien on se retrouverait avec peu dans la poche tous ensemble. Si par exemple on faisait comme le propose le Front de Gauche, si on plafonnait les revenus à 360 000 euros par an, donc 30 000 euros par mois à peu près, la collectivité pourrait récupérer de l'ordre de 300 euros pour chaque actif. D'accord ? Ce qui fait relativement peu. Bon, faut pas cracher dessus, mais ça fait peu. Par contre, si on pose la question d'un plafonnement des revenus à 6 000 euros par mois, par exemple, alors là, on se retrouve avec une masse vraiment plus conséquente. Donc il y a l'Institut des politiques économiques qui avait publié des statistiques, justement, statistiques sur les revenus des 10% les plus riches. Évidemment, c'est des statistiques, on peut les discuter, on peut retrancher un certain nombre de d'éléments, on peut en remettre d'autres. Bref, c'est des données super brutes. Bon. Mais ces statistiques, elles nous permettent de calculer que en plafonnant à 6 000 euros, la collectivité pourrait récupérer 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, ça fait à peu près 10 000 euros par actif. De quoi vraiment améliorer sensiblement le niveau de vie de la majorité populaire. Pardon ? 300 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'en plafonnant les revenus à 6 000 euros par mois, on pourrait récupérer 300 milliards d'euros. Voilà. Il s'agit de faire le calcul aussi dans nos entreprises. Voilà, si on réduisait les salaires des cadres, des dirigeants, de nos PDG, finalement, ça ferait combien à redistribuer pour les simples employés. Bon. Là on voit aussi que la question de l'égalité sociale, la réduction des écarts de salaire, la réduction des écarts de revenus, elle a un sens pratique, quoi, immédiat, revendicatif, dirais-je. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un bon gouvernement qui plafonne les revenus, effectivement? Non, par l'action directe, dans la lutte syndicale, dans la lutte d'entreprise, de branche, on peut poser la question, il faut poser la question, et il faut populariser l'idée que, la réduction des écarts de salaire, d'abord, et puis de revenus ensuite, permettront une amélioration radicale de notre niveau de vie, et ça sans oublier bien sûr ce qui est aussi évidemment au cœur de la pensée socialiste, que une réorganisation de la production des échanges par les travailleurs eux-mêmes, par les travailleurs associés, par les travailleurs et consommateurs associés permettra de satisfaire l'ensemble de nos besoins. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet, mais on y reviendra, voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions ou aux réflexions, si vous avez. Donc, levez la main et je vous passerai le micro. Juste une demande de correction. Tous les footballeurs ne sont pas des milliardaires. Il y a des footballeurs qui sont au SMIC. Bien sûr, il a été question des sélectionnés là de notre équipe de France là pour le championnat d'Europe. Voilà. J'ai noté les chiffres exacts là. Les 23 joueurs de foot en moyenne, ils ont 4,6 millions d'euros. Alors, il y en a qui ont un peu moins, un peu plus. Ça va de 1 à 9, je crois. Pardon ? Tu parles des 23 ou des milliers d'autres qui gagnent le SMIG ? Bien sûr, mais disons ce que je veux dire, c'est qu'en fait, et là on peut continuer la discussion, mais c'est qu'est-ce qui peut justifier qu'il y a des joueurs de foot qui soient au SMIC, par exemple, bon, et d'autres à plusieurs millions d'euros par an, quoi. Voilà, qu'est-ce qui peut le justifier? Est-ce que c'est leur mérite? Est-ce que c'est leur travail? Est-ce que qu'est-ce que c'est, hein? Et de même que comment on peut justifier des écarts de salaire dans une entreprise, de 1 à 10 ou 1 à 20 ou même 1 à 2, parce que les grandes inégalités nous révoltent, hein, parce qu'on a effectivement on a du mal à comprendre. Enfin, on est un certain nombre, on est beaucoup à se demander qu'est-ce qui peut justifier ces écarts, hein. Mais on est moins nombreux à se révolter contre les petits écarts de revenus, les petits écarts de salaire. Et ça, peut-être que peut-être qu'ils sont peut-être moins révoltants dans l'absolu, mais en fait, ils sont plus significatifs. C'est en bas et c'est les petits écarts de revenus et de salaires qui justifient qu'on vit à peu près bien ou qu'on vit très mal. Dans un camp de concentration, il suffisait de ramasser quelques épluchures pour survivre. Hein, et puis celui qu'ils n'avaient pas ramassé, il mourait. Vous voyez, donc dans la société actuelle, c'est pareil. Celui qui a 800 euros par mois ou à 1000 euros par mois, il est en galère. Il est au quotidien en galère. Celui qui a 2000 euros par mois, c'est juste deux fois plus que le premier, hein, donc rien à voir avec les écarts de revenus qu'il y a entre les prolétaires en général et la bourgeoisie. Mais malgré tout, il est plus dans la misère au quotidien. Tu vois, peut-être qu'il peut assurer une sécurité à ses enfants. Il assure une sécurité pour lui-même. Hein, c'est comme celui qui a le logement et qui est propriétaire de son logement et qui a fini de payer son crédit, et puis celui qui reste locataire ou pire qui a fait un crédit important pour acquérir un logement et qui est pas sûr de pouvoir rembourser parce que dans la boîte ça va mal et il est menacé peut-être de se faire licencier. En fait, là, tu as parlé de nivellement des salaires par le bas. Effectivement, ça peut être choquant que certains gagnent des millions et des millions alors que d'autres, voilà. Mais faudrait-il pas aussi parler d'inégalité, résoudre les problématiques de pauvreté par un nivellement justement par le haut, en fixant un salaire minimum, comme le font certains pays nordiques, je pense comme la Danemark ou la Finlande, où quel que soit ton statut, dès que tu es étudiant, tu as un salaire minimum, que tu travailles ou pas, tu as un salaire minimum. Et je pense qu'au Danemark, c'est 800 euros. Faudrait-il pas résoudre le problème d'inégalité d'inégalité sociale par un nivellement des salaires par le haut? Parce que finalement, moi, si je gagne, 6 000 euros, ça me gêne pas que quelqu'un gagne des millions. Mais le problème en France, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de bas salaires. Il faut quand même comprendre le lien qui est assez direct entre les gros salaires et les bas salaires, quoi. Les grandes fortunes et les petites fortunes. C'est-à-dire que on n'est pas dans une société où le bonheur des uns fait le bonheur de tous, hein. On est une société au contraire où l'enrichissement des uns se fait au dépens du plus grand nombre. Donc si la bourgeoisie peut accumuler des milliards, c'est parce que on est des millions de travailleurs salariés pauvres, paupérisés, et avec derrière eux ou en dessous eux encore des millions de chômeurs qui sont là et prêts à accepter n'importe quel taf, pour un salaire de misère, quoi. Voilà, le lien, il est direct entre l'enrichissement des uns et l'appauvrissement des autres, hein. Plus de riches, plus de pauvres. Plus de riches, plus de pauvres. Et plus de riches, plus de pauvres. Voilà, il faut quand même faire ce lien-là. Bon, et justement, là, toute la pensée un petit peu, ces 20 ou 30 dernières années, pensée libérale, ça a été de dire, mais non, vous inquiétez pas, la part du gâteau des plus riches, elle s'accroît, mais en même temps, la part du gâteau des plus pauvres, elle va s'accroître aussi. Ben non, c'est pas vrai. Et plus que jamais, là. Et plus que jamais, parce que là, ça se traduit dans les statistiques depuis 15 ans. Hein, c'est-à-dire que les 10% les plus pauvres, ils s'appauvrissent en valeur absolue. Hein. Bon, ils ont perdu, là, en une dizaine d'années, comment les 10% les plus pauvres, ils ont perdu à peu près 500 euros par an, un peu plus de 500 euros par an, tandis que les 10% les plus riches, eux, ils ont gagné 6000 euros. Vous voyez ? Bon, les rapports, le rapport interdécil étant de 1 à 7 à peu près. Hein, bon. Juste une demande de confirmation. Qu'est-ce que vous pensez du slogan 1% et 99%? Les 1% et 99%. 1% et 99%. Bah, c'est-à-dire que les 1%, ils constituent, oui, une cible privilégiée, une cible de choix pour le mouvement travailleur qui aspire à l'égalité sociale. C'est évident. Voilà, il faut pas simplement, s'attaquer aux privilèges des 1%. Il y a les 10%, il y a les 15% même, je dirais. C'est-à-dire qu'une société d'exploitation, elle tient pas avec 1%, mais elle tient avec 10%. Il s'agit aussi pour nous d'en finir avec avec les rapports d'exploitation, tout bonnement et simplement. Pourquoi est-ce que une catégorie de travailleurs, gagne, enfin, pourquoi est-ce que une catégorie de personnes pourrait accumuler des millions sans travailler ou en faisant travailler les autres pour eux-mêmes? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on peut justifier qu'une catégorie de travailleurs gagne plus que l'autre alors qu'elle fait œuvre utile? Bon, on dit, ah bah oui, mais il y a des travailleurs qui sont plus qualifiés que d'autres. Oui, il y a des travailleurs qui sont plus qualifiés que d'autres. Mais est-ce qu'on a besoin des travailleurs non qualifiés ou on n'en a pas besoin? Si on n'en a pas besoin, il faut s'en débarrasser. D'accord? D'ailleurs, la bourgeoisie, quand elle peut se débarrasser des salariés devenus inutiles, elle s'en débarrasse. Bon, mais si elle les garde, ces personnes sont utiles, c'est que ces travailleurs sont utiles. On a besoin d'agents de propreté, d'agents de nettoyage dans les hôpitaux. Hein, et ils ont une lourde responsabilité. Et en déniant leur responsabilité, eh bien, on laisse se développer, des pratiques qui causent ensuite dans nos hôpitaux des infections avec des centaines et des milliers de morts à la clé. Hein, je parle des infections nosocomiales, par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'on a déstructuré complètement les services dans les hôpitaux avec des recours à la sous-traitance. Hier, on avait une évolution, on faisait du nettoyage, aide-soignant, infirmier, etc. Il y avait une structure. Il y avait une perspective d'évolution pour les agents. Aujourd'hui, tout est sous-traité. Les boîtes, ça change. Les salariés sont pas formés. On est dans le mépris du travail, soi-disant non qualifié, avec des conséquences dramatiques. On a chacun notre responsabilité. Hein, chacun notre responsabilité. Et justement, notre devoir aussi, je pense, en tant que travailleur, c'est de jamais mépriser le travail de qui que ce soit. Moi, je travaille dans le transport fluvial. On a un artisan hydraulicien qui a mal fait son boulot. J'ai une avarie de barre. J'avais 90 passagers à bord. Voilà. Il porte une responsabilité importante. Comme moi, j'en porte une en tant que conducteur. Le commis de cuisine en porte une très importante parce que lui, il veille à ce que les produits congelés, il veille à ce que la chaîne du froid soit pas rompue, par exemple, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intoxication. Bon, voilà. À partir du moment où il y a collaboration entre nous et que chaque travail trouve sa nécessité, alors il faut rétribuer de façon égalitaire, hein, le travail. Il y a une inégalité dont t'as pas parlé et qui ne sera pas de toute façon. Qui ne sera pas supprimé par la hausse du pouvoir d'achat comme le proposait le monsieur, c'est-à-dire l'inégalité quant à la liberté de mener son travail, c'est-à-dire la liberté de travailler comme on le souhaite, avec qui on le souhaite et pour quel produit. et ou la ou justement la non-liberté, l'aliénation de travailler pour quelqu'un qu'on n'a pas choisi et pour justement pouvoir avoir son pouvoir d'achat. Et qu'on augmente ce pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on augmente ce salaire à 6 000 euros ou qu'on le laisse à 1 000 euros, je veux dire, ça change strictement rien. Je veux dire, une petite mise au point historique. À partir de quel moment le mouvement social, socialiste a pensé à l'égalité homme-femme ? Comment dire, concernant l'égalité homme-femme, la révolution russe a légiféré sur la question. Donc on était en 1917. Bon. Et la lutte pour l'émancipation féminine dans le mouvement socialiste elle était antérieure bien sûr. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que si on retrouve dans beaucoup de programmes ouvriers des revendications démocratiques, d'ordre démocratique, comme par exemple le suffrage universel, ce genre de choses, même l'interdiction du travail des enfants, la scolarité obligatoire, etc. Il faut tarder un petit peu avant de retrouver les revendications démocratiques en faveur de l'émancipation féminine. À partir de la révolution russe, c'est chose faite. Mais il y a quelques 2-3 décennies où la question est mise entre parenthèses, on dirait. Journée de la femme. Sinon, pour répondre à ta question, camarade, il est évident que, la possibilité, l'épanouissement de chacune et de chacun dans la production, elle est liée, à la destruction des rapports de subordination qu'il peut y avoir avec, l'employeur. L'employeur individuel en tant que représentant des intérêts privés et non plus collectifs. Moi je rêve d'une société, d'une libre association des producteurs, d'une libre association des travailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contraintes. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs les collectivités n'auront pas une certaine autonomie et une certaine liberté de choix de avec qui ils vont travailler, avec qui ils vont pas travailler. De même que les individus doivent bénéficier eux-mêmes de cette liberté de choix. Non au travail forcé. Le socialisme n'est pas un bagne, n'est pas un goulag, n'est pas un camp. Hein, c'est tout le contraire. Les inégalités. Quand Marx insiste sur le fait que la collectivisation des moyens de production et d'échange va régler de facto les problèmes de distribution, des rapports de distribution dans un sens plus égalitaire, il pense à une collectivisation véritablement collective, démocratique, une gestion démocratique de la production et des échanges. Il pense pas simplement à un changement purement formel, à une transformation purement juridique des rapports. À partir du moment où on a chacun notre place dans l'entreprise, où on est capable de décider dans l'entreprise avec ses compagnons, avec ses collègues, du sens de notre activité, de la manière dont on va travailler, de la manière dont on va organiser le travail, de comment on va embellir notre cadre de travail, évidemment, on se sent incroyablement plus libre et le travail devient plus le calvaire qu'il est parfois, il devient une source d'épanouissement. Il devient son propre but, hein, et ce qui nous permet d'envisager, de dépasser les rapports bourgeois d'échange, de dépasser le droit bourgeois, de dépasser le à chacun selon son travail, pour le à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. À partir du moment où le travail devient une nécessité vitale, pour l'homme, à partir du moment où on se lève le matin avec impatience d'aller retrouver ses collègues sur son lieu de travail, évidemment là on est plus, la société n'est plus obligé de rétribuer le travailleur selon son travail ou sa simple participation à la production quoi. Alors, par rapport à l'égalité sociale, je partage tout à fait ton idée de réduction des écarts des salaires. Je pense que c'est un enjeu fondamental. Et dans l'écho justement de l'inégalité sociale, est-ce que tu penses qu'à l'origine, il n'y a pas une inégalité politique qui permet justement aux inégalités sociales de s'accroître ? Et tout à l'heure, on parlait de l'égalité homme-femme, de cette question-là. Et on remarque que au cours de l'histoire, les combats notamment des féministes pour le droit des femmes ont obtenu, je dirais, des nouveaux droits. Donc ils ont eu des acquis. Et aujourd'hui, et même hier, a été mis en place le principe de parité. Alors aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur la parité, mais il n'empêche que la condition, disons, des femmes aujourd'hui est quand même bien meilleure que celle qu'elle a été hier. Et la parité, à mon avis, a joué un rôle important. Et donc, en ce sens, pour faire le lien entre égalité sociale et politique, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'une forme de parité sociale qu'on mettrait au sein des entreprises, par exemple, pour libérer l'ouvrier de l'aliénation et du travail forcé pour aller vers le travail libre, ou même en politique, avec la mise en place dans toutes les instances, disons, de décision et de gouvernement, d'une parité sociale dans laquelle, non pas seulement l'une ou l'autre des classes sociales seraient représentées, mais dans laquelle chaque tranche, justement, des écarts que tu proposes de 1 à 6, pourrait être représentée équitablement. Ouais. Moi, je pense que oui, il faut une certaine. Il faut que les différentes catégories de travailleurs soient représentées. Et la question, c'est dans quel cadre ils sont représentés. Et c'est ça qui importe. C'est-à-dire que Moi, je voudrais une démocratie industrielle. Je voudrais qu'on arrive à une société où les travailleurs associés seraient véritablement souverains. Et à ce titre, qu'ils soient représentés dans les instances exécutives. Il faudrait, idéalement, que chaque entreprise ait son comité de délégués élus, mandatés, révocables. Et que ces délégués-là, ils siègent dans les conseils d'administration des entreprises, ou par branche d'activité, par filière, par secteur économique, avec des délégués des villes, des régions, des nations, pour gérer la production. Il faudrait que l'ensemble des fractions du travail, des sections du travail, soient effectivement dirigeantes. Et de même que les différentes sections d'habitation, de même que les différentes parties, qui sont aussi des consommateurs, les usagers, les patients, etc. Ils doivent être représentés dans les instances exécutives des entreprises, des groupes, des établissements. C'est de cette manière-là qu'on répondra au mieux aux besoins de la population. Aujourd'hui, qui décide du modèle du prochain modèle de voiture à PSA, c'est le patron de PSA. Hein, c'est bon, voilà. On dit que le capitalisme c'est une économie de consommation, c'est une société de consommation, c'est une société de consommation aliénée où la consommation elle est déterminée par des rapports d'exploitation. ou ceux qui où le pouvoir d'achat il est déterminé par la place de chacun dans les rapports d'exploitation, et c'est ça qu'il faut remettre en cause de façon à nous libérer aussi en tant que consommateur. En nous libérant en tant que travailleurs, on se libère en tant que consommateur. Après, comment dire, la bourgeoisie, elle pourrait peut-être, on pourrait imposer à la bourgeoisie un quota de travailleurs durant au Parlement. Peut-être, pourquoi pas. Je pense pas que ça changera grand-chose. Je pense que ces représentants-là, ils seront facilement corruptibles. Bon, on a eu, hein, on a eu des partis qui ont envoyé au Parlement des ouvriers. On a eu le Parti communiste qui a envoyé des ouvriers au Parlement, qui étaient représentés par des personnages de milieu ouvrier, d'origine ouvrière. Bon, mais c'est pas pour autant que la politique de ces partis était en cohérence avec les intérêts généraux des travailleurs. Hein, c'est le même Parti communiste, voilà, qui a soutenu jusqu'au bout le régime bureaucratique en Union soviétique, et qui a caché jusqu'au bout, tant qu'il l'a pu, les inégalités sociales en Union soviétique. Hein, discréditant le projet complètement aux yeux de large masse, quoi. Une question là-bas. Donc rapidement sur les écarts de revenus, donc on parlait de 1 à 4, et si on regarde ce qu'aujourd'hui on peut faire, si on veut réduire les écarts de revenus, je dis pas qu'il faut imposer quelque chose aux sociétés, mais je dis qu'il existe déjà des certaines formes de sociétés aujourd'hui, comme les sociétés coopératives, donc les SCOP, qui permettent d'avoir des écarts de revenus moindres hein, que 1 et 4. Y a la plus grande entreprise qu'on connaît en SCOP, c'est Chèque Déjeuner. Donc tout le monde connaît Chèque Déjeuner, c'est comme Ticket Restaurant. Il n'y a pas des écarts entre 1 et 4. Ça, c'est une manière d'arriver au même résultat sans, de la manière dans laquelle je vois. Par rapport donc à l'écart de revenus des footballeurs, des directeurs généraux, tout ça, souvent on parle de leurs compétences. La roulette de Zizou, c'est pas tout le monde qui peut la faire. Donc c'est peu d'élus et c'est aussi donc une compétence qui permet de dégager bien ou mal hein, de la croissance, de l'argent, parce qu'on revend les droits télévisés, tout ça, donc ça fait de l'argent, c'est pour ça qu'on les paye aussi cher. Hein. Voilà. Et ce que tu disais aussi sur la responsabilité des travailleurs, comme dans le milieu fluvial ou ailleurs, je sais bien que les personnes qui s'occupent d'enfants, elles sont très peu payées, elles ont une responsabilité énorme. Dans le droit français, s'il arrive quelque chose à un enfant, et si on n'a pas d'enfant, et qu'on a l'enfant sous sa charge, et ben, même s'il est parti se jeter, on va être responsable. Donc voilà, c'était les petits points que je voulais. Je pense qu'il y a des personnes qui ont apporté beaucoup plus à l'humanité que Zizou. Hein, je veux surtout pas remettre en cause, c'est la qualité de son jeu. Mais peu importe, je veux dire, Zizou il vient pas de nulle part, je veux dire, il donne tout ce qu'il peut, et je pense que le fait d'être un des plus grands joueurs de foot de ces 20 dernières années ou plus, devrait être suffisant pour lui. Encore une fois, je veux dire, l'activité sociale qu'on a, on le fait aussi par estime de soi, on le fait pour le bonheur qu'il procure. Surtout quand on joue au foot, même si c'est aussi une souffrance. Un entraînement, c'est une souffrance. Comme s'entraîner à des gammes en musique, c'est aussi difficile. Mais de même que n'importe quel ouvrier, avant d'exceller dans son métier, dans son domaine, il en a pris plein la gueule. Il a souffert et ça a été difficile. Et il a fallu qu'il persévère. Je veux dire que on parle de grands joueurs de foot, mais combien il y a de d'ouvriers excellents. Qui gagnent pas des millions d'euros par an, qui sont parfois au SMIC ou à 1200, 1500 euros, tu vois, et qui demandent pas plus, tu vois, qui demandent pas plus, et ils ont raison quelque part, parce que c'est pas ça la vie, c'est-à-dire que c'est pas de gagner des millions la vie, le bonheur. Tu vois, c'est ça aussi où le mouvement communiste ou le mouvement de projet de société émancipé que je peux défendre ou qu'on peut être un certain nombre à défendre, il s'oppose aussi aux valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui par la société bourgeoise. Non, on jalouse pas les riches, moi je jalouse pas les milliardaires, je jalouse pas Pinault, Arnault ou Bettencourt. Je veux dire, je saurais pas quoi en foutre de leur château, de leur yacht, de leur jet privé, j'en ai rien à faire. Peu importe, c'est pas ça, c'est pas là où je trouverais le bonheur. D'ailleurs, est-ce qu'ils le trouvent le bonheur dans tous ces biens matériels, dans tout ce patrimoine? J'en doute, sérieusement. Même des petits patrons, parfois, ils se retrouvent bien seuls, hein, puisque autour d'eux, ils ont des gens intéressés qui cherchent à les gratter. Hein, parce que quand on est malhonnête soi-même, eh ben, on s'entoure de malhonnêtes. Hein, et le petit patron en souffre lui-même. Il souffre des rapports marchands, des rapports viciés qu'il a lui-même engendré, tu vois, que la société a engendré pour lui, avec lui, et pour lui, et pour lui. Et pour ses intérêts propres, égoïstes, tu vois. Donc, quelle que soit la qualité de notre travail, comment dire, on doit rester des égaux entre nous. De toute manière, les compétences qui sont acquises, elles sont données. Zidane, il a été sélectionné. Zidane, il a été entraîné. L'entraîneur des Zidane lui-même a été sélectionné et entraîné. Et derrière lui, il y a des générations de footballeurs et il y a des dizaines d'écoles, il y a toute une expérience, il y a toute une mémoire, il y a tout un travail collectif, tu vois. Et en chacun de nous, on par notre travail, on exécute une œuvre collective, tu vois. Et de ce point de vue-là, personne peut dire voilà, en vertu de mes compétences, en vertu de mon savoir, je vaux plus qu'un autre, ou je dois prendre plus qu'un autre au pot commun. Si tu peux donner plus, eh bien donne plus. C'est que toi-même tu as reçu plus. C'est que toi-même tu es plus fort, tu es plus intelligent, tu as plus de talent qu'un autre. Tant mieux pour toi. Mais ça donne pas le droit à plus. Ouais, je vais te faire intervenir. D'ailleurs, moi, ça me fait juste poser la question. En fait, est-ce que Zidane, il a fait ça pour devenir un grand footballeur ou pour devenir millionnaire? Tu vois, ça me fait poser la question. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Voilà. Non, ce que je voudrais rappeler, c'est que de toute façon, une hausse considérable des revenus. Une répartition, même une meilleure répartition qui serait plutôt considérable, mais même qui conserverait des inégalités qui seraient justifiées par le talent des travailleurs. Je sais pas si Zidane travaille, s'il travaille, il produit de l'esthétique, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que cette répartition qui pourrait être équitable, mais pas trop excessive, qui n'irait pas jusqu'à une égalité totale des salaires, elle n'est possible qu'à certaines conditions politiques. Et ces conditions politiques, tu les supprimes quand tu finances des gens qui peuvent être... Enfin, quand quelqu'un est capable d'avoir plusieurs millions d'euros par an, il a des capacités politiques que la majorité de la population n'a pas. Et c'est bien le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de révolte? Pourquoi il n'y a pas de révolution? Pourquoi même les gens ne font pas grève juste pour augmenter leur salaire de quelques centaines d'euros? C'est parce que tu as un matraquage médiatique, idéologique. Et ce matraquage médiatique, il est permis par les inégalités économiques. À savoir que, bien sûr, n'importe qui préfère regarder le journal de 20h sur TF1 parce que derrière, tu as Dr House. Mais pourquoi? Parce que ça appartient à Martin Bouygues, qui est milliardaire. S'il n'y avait pas ces inégalités, enfin c'est ça que je veux dire, c'est que faut pas oublier le rapport de dépendance entre inégalité économique et inégalité politique. Et que l'un va pas sans l'autre. Je sais pas si c'est clair, mais. Juste une petite chose, ça va être très simple. D'après vous, quelle est la moyenne d'âge de nos représentants actuels au Parlement? C'est autour de 60. Hein, c'est ça? Comment? Ah, Qu'est-ce que j'en pense? Moi, ce qui me choque plus, c'est effectivement que finalement, dans les instances politiques, dans les organisations, dans les institutions, sont d'abord et avant tout représentés des éléments de la bourgeoisie, quoi. Jusque dans les municipalités où on retrouve des notables, des agriculteurs retraités parce qu'ils ont le temps, hein, mais bon, alors au Parlement c'est essentiellement des notables d'une autre catégorie et des avocats, des gens de la bourgeoisie. Voilà ce qui me choque le plus. Après le fait que ce soit beaucoup de retraités qui prennent des engagements politiques, c'est significatif du fait que on n'a pas le temps, que le travailleur qui est en activité est occupé occupé ou pas d'ailleurs, enfin il n'a pas le temps. Je veux dire, quand on travaille 40 heures par semaine ou plus ou un peu moins, avec des enfants à charge, ou qu'on est au chômage et en recherche d'emploi et qu'on vit l'insécurité de l'existence, on n'a pas le temps de s'informer autant qu'on le devrait pour faire de la politique, ni de militer, ni de briguer un mandat d'élu. Vous voyez, c'est-à-dire que les conditions d'exploiter font que on exclut de la vie politique de fait, hein, et il s'agit d'en finir avec ces conditions d'exploiter justement en réduisant les écarts de salaire pour élever le niveau de richesse de la majorité, en rendant possible donc une baisse radicale du temps de travail aussi, hein, et bien là effectivement on va donner la possibilité à l'immense majorité de sortir l'exclusion dans laquelle on est, l'exclusion politique. Alors aujourd'hui, évidemment, on vous dirait, mais oui, dans les syndicats, il y a des syndicalistes, il y a des partis d'extrême gauche avec des travailleurs. On se retrouve tous ensemble, et je doute qu'on soit tous issus de la bourgeoisie. Mais disons que c'est assez exceptionnel. Hein, c'est l'exception qui confirme la règle. Souvent dans le mouvement syndical, on retrouve des éléments relativement privilégiés du salariat. Hein, c'est eux qui ont les dispositions, les ressources pour s'engager comme militants. Dans les organisations d'extrême gauche, on retrouve des professeurs. Sur la place de la République, on retrouve, en dehors d'une petite bourgeoisie qui a du temps, des chômeurs. Voilà. Vous voyez, c'est... Vous avez oublié une catégorie. Vous avez oublié une catégorie, les fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires. Oui, bien sûr, les fonctionnaires. Oui, oui. Oui, les fonctionnaires, qui sont par leurs revenus relativement privilégiés. Oui, effectivement, on les retrouve beaucoup enfin, on les voit beaucoup s'impliquer. Voilà. On les voit beaucoup s'impliquer. Mais l'inégalité sociale, effectivement, ça va avec une égalité politique. Aujourd'hui, le fait qu'on ait des fortunes qui concentrent des dizaines de milliards d'euros sur leur tête, ça donne une idée un petit peu dans quelle démocratie on est, quoi. Hein, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont la presse entre leurs mains. Tu parles de Bouygues et TF1, mais Libération, c'est Rothschild, Le Figaro, c'est Dassault. Bolloré, il a une bonne partie de la presse gratuite, etc., etc. C'est-à-dire que ces grandes fortunes, elles sont prêtes aussi à perdre de l'argent simplement pour gagner en puissance politique. Hein, la presse quotidienne nationale, elle perd du fric. Hein, elle est pas rentable. Si ces milliardaires là, ils ont investi dedans, il y a une raison. Elle est de puissance politique. Quand on a des milliards d'euros à sa disposition, on achète tout. On achète les hommes. On achète ceux qui vont se débarrasser d'adversaires. On est capable de traiter à égalité avec des États. On a l'appareil d'État, à son service, jusque dans une certaine mesure. Hollande, il voit sa maîtresse au domaine de la mort-mère, propriété de Pinault. Hein, bon, Hollande, ami personnel de Pinault. Hein, voilà, c'est-à-dire que en haut, bon, les milieux, les représentants, les dirigeants des partis bourgeois et les grandes fortunes se côtoient, se connaissent, se lient d'amitié. Bon, ça évite pas les, ça empêche pas les coups tordus et les trahisons. Mais voilà, c'est un même monde. Hein, et ils se rendent service pour service. Et il faut compter dans ce monde-là aussi, bah, les gens, les représentants du banditisme, hein, de la mafia. Parce que là aussi, il y a les riches et il y a les pauvres. Hein, il y a les petites frappes, qui vont se retrouver en prison pour quelques années. Et puis il y a ceux qui sont en col blanc. Il y a les grands noms du banditisme qui eux ont toutes les protections. De rigueur et vers lesquels les politiciens peuvent se tourner d'ailleurs, hein, pour gérer la misère et l'insécurité. Hein, bon, on a eu des ministres de l'intérieur qui excellaient dans le domaine. Hein, je pense à Charles Pasqua par exemple. Ouais, je voulais rappeler aussi que l'inégalité politique, l'inégalité économique. Elle crée énormément de distance dans la société, c'est-à-dire que le problème, c'est que, tu vois, par exemple, un très bon joueur de foot qui serait très bien rémunéré ne vivra jamais dans le même quartier. Si tu rémunères mieux les forts par rapport aux faibles, t'empêcheras aux faibles et aux forts de se rencontrer et de faire des choses ensemble. C'est-à-dire même d'être voisins, parce que les riches, ils ont leur quartier, les pauvres ont leur quartier, et ils ne traînent pas dans le même quartier. C'est difficile, l'amitié entre un pauvre et un riche. Donc, si tu veux, tu vas... Une inégalité économique fondée sur la différence de force dans tel ou tel domaine, le foot ou la médecine ou je sais pas, ou n'importe quel domaine, va créer des distances et une absence de rencontre. Et je pense qu'elle est très importante, si tu veux, pour que la société puisse monter dans tous les domaines. Il faut que les faibles et les forts soient rapprochés. C'est le problème de l'école, par exemple. Comme l'école est très individualiste et qu'elle nous met tous en compétition, c'est-à-dire qu'elle prépare en fait le monde du salariat. Ça empêche que les forts aident les faibles dans une classe. Et je pense que c'est un dommage énorme. De toute façon, parce que même le fort ne perd pas son temps à aider un faible. C'est-à-dire que je pense que tous les profs te le diront. Un prof, quand il fait son cours, il apprend pour lui-même. Ça lui permet de clarifier ses idées. Et c'est pareil, je pense, dans tous les domaines. Et donc je pense qu'il y aura, ouais, cette inégalité économique, ça sera un gâchis énorme, quoi. C'est ça que je veux dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je voulais revenir sur la hiérarchie des salaires dans les entreprises. On va nous vendre cette différenciation. En parlant de qualification, d'ancienneté, de mérite, etc. Enfin, bref. On peut prendre un tous ces arguments là et les réduire absolument à néant, hein, puisque voilà, on n'est pas plus productif à 50 ans qu'à 30. Il y a des travailleurs qui ont fait 6 années d'études dans un domaine et qui sont 100 fois moins payés que des travailleurs qui ont fait le même nombre d'années d'études dans un autre domaine. Les travaux les plus difficiles sont loin, sans faux, les mieux rémunérés, etc., etc. Bon, en fait, la hiérarchie des salaires dans les entreprises, elle est liée à un rapport d'exploitation qui est celui des rapports d'exploitation entre la bourgeoisie, entre les plus riches, entre les propriétaires du capital. Et puis le prolétariat qu'il faut être capable d'encadrer, tout simplement, qu'il faut être capable de faire patienter, auquel il faut empêcher par des moyens idéologiques de se révolter. Si on était tous à 1500 euros par mois et qu'il y avait simplement quelques zouaves en haut, qui avec des milliards dans les poches, ça ferait longtemps qu'on les aurait bazardés. Ces gens-là, ils n'ont aucun rôle dans la production. Ils vivent la plus plupart du temps en rentier, en héritier, on s'en passerait bien. Je veux dire, donc non, il faut toute une hiérarchie de sociale, toute une hiérarchie, tout un tas de couches intermédiaires pour faire patienter, pour faire espérer, pour donner une bonne raison, à l'existence d'inégalités, à force de préjugés, d'illusions, etc. Voilà. Et le mouvement ouvrier, pour moi, il doit, nous les travailleurs, on doit absolument casser tous ces préjugés bourgeois en fait au sein de notre propre classe. Dont nous-mêmes individuellement on est victime ou on a pu être victime. Moi je sais que pendant longtemps j'ai défendu la réduction des écarts de revenus de 1 à 4 en essayant de ne pas trop m'affronter aux préjugés ambiants. Aujourd'hui je veux rattraper le retard. Il y a rien qui justifie les écarts de salaire qu'on connaît actuellement et encore une fois entre 1000 euros et 2000 euros, entre 1500 et 3000 euros, il y a souvent des très très fortes différences de niveau de vie, de standing de vie, elles sont pas moins injustes, ces différences, à des échelles supérieures. La lutte pour l'égalité des conditions salariales, alors évidemment, c'est pas forcément une égalité absolue. Il faut prendre en compte aussi, dès maintenant, les besoins qui sont différents. Par exemple, les besoins familiaux. Il y a des travailleurs qui ont pas d'enfants, il y a des travailleurs qui sont en couple, qui ont un enfant, qui ont deux, trois, quatre, etc., etc. Donc, c'est pas les mêmes besoins, évidemment. Donc, on peut les prendre en compte dans le salaire. On pourrait revendiquer de prendre en compte dans le salaire ces besoins qui sont inégaux. Dans l'éducation nationale, par exemple, c'est déjà fait. Un tout petit peu. Il y a des toutes petites différences, mais c'est déjà fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait s'approprier dans la lutte au quotidien, dans nos entreprises, au niveau syndical. Bon, mais en tout cas, l'idée d'égalité salariale, en fait, c'est aussi une perspective qui est unifiante pour tous les travailleurs. Voilà, tout le monde a, je sais pas, il faut que nos salaires représentent 1500, entre 1500 et 2000 euros. Voilà, c'est possible. Je veux dire, si on fait la division, la somme des revenus par le nombre d'individus de plus de 20 ans, on arrive à peu près à 1800 euros, quelque chose comme ça, 1700, 1800 euros. C'est un indicateur, mais voilà, on arrive à ces eaux-là. Bon, en avant. Ni plus ni moins, ça suffit. Ouais. D'autres questions, non? Alors attendez, du coup vous avez intervenu tous les deux, donc je vous passe la parole après. Ouais, dernière chose, je pense que l'égalité de salaire aussi, elle permet de pas corrompre l'activité créatrice, le travail humain, le travail libre. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on détermine, quand on a la capacité de s'enrichir en travaillant mieux, pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux que les autres, on détermine son activité, on détermine sa créativité par un pouvoir d'achat et par un truc qui est très abstrait, qui est très mathématique. Parce que en général, on se dit pas, tiens, je vais pouvoir m'acheter tel truc. On se dit, enfin, c'est un chiffre, c'est tiens, je vais avoir 1 million d'euros. Et je trouve ça, il y a une certaine aliénation là-dedans. À être motivé, à motiver son corps, à motiver sa mise en action par un chiffre qui serait 1 million d'euros et qui serait un pouvoir d'achat. Et je pense que l'égalité des salaires, enfin de pas déterminer comme ça de pas déterminer la consommation par le travail, ça permet de que le travail soit beaucoup plus libre en fait, qu'il soit vraiment pris pour lui-même et pas pour autre chose. Qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on pourra faire avec Je vais essayer de parler plus fort. Actuellement, un très faible revenu ne paye pas d'impôts. Dans le cadre de l'égalité, est-ce que vous seriez d'accord pour que des faibles revenus payent un petit peu d'impôts ? Moi, personnellement, je suis pour l'abolition de l'impôt. Toute cette machinerie administrative, fort coûteuse, je m'en débarrasserai bien. Ce qui n'a rien à voir avec le prélèvement à la source. Entendez-vous bien. Non, non, comment dire, pour moi, il s'agit d'établir une grille de salaire, une grille de rémunération, à l'échelle nationale, qui devrait être respectée, modulée dans les entreprises, en fonction de la situation personnelle, familiale, et puis c'est tout. Voilà. Plus d'impôts, plus de toute cette bureaucratie. Le salaire devrait être socialisé. D'ailleurs, c'est le véritable sens du mot d'ordre de socialisation des moyens de production et d'échange. Hein, ce qui donne sens à cette perspective-là, c'est bien la socialisation du salaire, du revenu, en fait. Hein, de façon à non plus proportionner le revenu avec la productivité du travail de tel ou tel secteur de production ou avec la situation de monopole de telle ou telle unité, mais pour lier le revenu avec les besoins de chacun. En attendant d'en finir complètement avec les rapports marchands d'échange, avec même l'utilisation de l'instrument monétaire pour les échanges et pour pour notre consommation. Hein. Je pense que c'est possible. Dès aujourd'hui, on prend l'habitude qu'il y ait un certain nombre de services qui soient à notre libre disposition. On paye pas pour utiliser les routes, qu'on fasse 1 km ou 100 km sur nos départementales, ou 1000 km ou 10 000 km par an, on payera toujours la même chose. Hein, le coût de satisfaction du besoin est socialisé. Hein, et en fait, c'est un principe qui est très économique. Hein, si à la RATP, le coût de satisfaction du besoin de se transporter dans la région Île-de-France était socialisé intégralement, on pourrait se débarrasser des faux frais que représentent les tourniquets, la maintenance de tous les dispositifs de contrôle, le paiement de fonctionnaires et d'agents de sécurité pour contrôler si on a bien payé nos transports, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je sais pas, hein, c'est à la louche, il y a à peu près 30-40% du coût qu'on pourrait réduire, quoi, du coût de production qu'on pourrait réduire. Voilà. Si vous voulez qu'on continue la discussion sur le thème, et ben c'est avec plaisir. Je pense que c'est notre intérêt à tous de traduire dans le réel le mot d'ordre d'égalité sociale, d'abolition des rapports d'exploitation, de l'homme par l'homme, que c'est seulement à cette condition qu'on pourra construire une société véritablement humaine. Et que je vous invite, je vous remercie de votre écoute, bien sûr. Je remercie tous les intervenants, et puis je vous invite à mener l'action dans le cadre de la commission, dans le cadre de plateforme 2016, là, qui s'est construite qui se construit depuis quelques mois, là, depuis le début de l'occupation de la place de la République, depuis le début du mouvement Nuit debout, et on va essayer de porter le fer. Dans les entreprises, et puis de construire des liens d'entraide, de solidarité entre travailleurs, entre salariés, mener bataille dans nos entreprises, faire de nos principes les plus généreux des principes d'action immédiate. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais, mais on va passer, je passe mon tour de modération. Maintenant on va accueillir Emilio qui va nous parler du début de la Troisième République. N'hésitez pas à vous rapprocher parce que l'enceinte elle est là-bas et puis le son est pas très fort aujourd'hui, donc on a un petit souci avec le réglage de la sono. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher surtout. Hein. Donc je te donne la parole, t'as 20 minutes à peu près pour t'exprimer. Alors, juste à vue de nez, parce que j'avais déjà fait un cours sur la Deuxième République, je voudrais savoir ce qui vous intéresse le plus, parce que moi, c'est un peu le bordel. La Seconde République ou la Troisième République, c'est-à-dire 1848, 1852 ou 1870, 1879? Un ou deux? Bon, si personne répond. Alors, c'est bien qu'on soit sur le sujet des institutions, tout ça. On va revenir à leur origine, à peu près. En 20 minutes, je vais pas pouvoir beaucoup parler d'histoire économique et des structures sociales, etc. Donc, ça va être une histoire très événementielle. Mais bon, c'est un peu à ça que vous êtes habitués, donc ça va aller.